4. Voilà Dolf qui nous ramène, Madame Puzel, dit la vieille Nell à Rieggé au bout d'une heure. La passerelle balance, en effet, sous le pas de deux personnes, et des sabots cognent ensuite le pont, tandis qu'une voix crie « Tobias, Tobias, prenez la lanterne et éclairez Madame Puzel !» Tobias prend une des chandelles et pousse la porte en ayant soin d'abriter la chandelle avec sa main. « Par ici, » dit-il en même temps, « par ici !» La digne Madame Tiremonde descend l'échelle et un jeune garçon descend après elle. « Ah, Madame Puzel, Rieggé sera bien content de vous voir. Entrez, » dit Tobias. « Bonjour, garçon. Tiens, c'est notre Lucas. »« Bonjour, Tobias, » dit le jeune homme. « Dolf est resté en chemin avec les camarades et j'ai fait la conduite à Madame Puzel. » « Entrez boire un verre, fils, » dit Tobias. « Vous irez retrouver Dolf ensuite. » Nell s'avance à son tour et dit « Bonjour, Madame Puzel. Comment va notre santé? Voilà une chaise. Chauffez-vous. »« Bonjour, la compagnie, » répond la grosse petite vieille femme. « Il va donc y avoir du sucre de baptême ce soir dans le Guldenwisch. C'est notre premier, n'est-ce pas, Rieggé? Allons, Nell, faites-moi du café et donnez-moi des chaussons. » Rieggé, dit alors le jeune batelier, j'ai fait la conduite à Madame Puzel parce que les camarades ont entraîné Dolf. Il ne faut pas que Dolf vous voie dans la douleur. Non, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi les camarades lui font boire un bon coup, afin qu'il prenne du courage. Et moi, j'en aurai davantage s'il n'est pas ici, s'écria Rieggé en levant ses yeux brillants de larmes. Oui, dit à son tour Nell, il vaut mieux pour tout le monde que Dolf ne soit pas ici. Tobias ensuite versa un verre de genièvre et le donna au jeune garçon en disant « Voilà pour votre peine, Lucas. Quand vous aurez bu cela, vos jambes s'allongeront comme une paire de rames pour être plus vite auprès des amis. » Et Lucas but le verre en deux fois. Et il but le premier coup en disant à la compagnie « À la santé de tout le monde !» Et le second coup, il le but en se disant à lui-même « À la santé de Dolf, s'il est encore en vie. » Puis là-dessus, « Bonsoir !» Quand le gaillard s'en alla, la bouilloire chantait sur le feu et une bonne odeur de café commençait à se répandre dans la chambre, car la bonne Nell avait posé le moulin sur ses genoux et broyait en tournant les graines noires qui crevaient en petits éclats. Madame Puzel, ayant défait la grappe de cuivre de son grand manteau noir à capuchon, tira de son cabas un étui à lunettes et un tricot. Elle chaussa ses lunettes sur son nez, passa les aiguilles à tricoter entre ses doigts et s'assit près du feu en faisant aller ses mains aux longs doigts plats. Elle portait une jaquette de laine à fleurs sous un châle noir et ses chaussons sortaient du bas d'un jupon de tyrtaine. De temps à autre, elle levait les yeux par-dessus ses lunettes sans hausser la tête et regardait Rieggé qui allait et venait en mettant la main sur son ventre et en se lamentant. Puis ses gémissements grandirent et Madame Puzel lui donna de petites tapes sur la joue en disant « Du courage, Rieggé, vous n'avez pas idée de la joie qu'on éprouve à entendre crier son petit enfant pour la première fois. C'est comme de la crème à la vanille qu'on mangerait en paradis, en écoutant de la bonne musique de violon. » Tobias, ayant appuyé au mur le grand coffre de bois qui servait de couchette, alla prendre deux matelas de varech à son propre lit, et tandis qu'il les étendait sur le coffre, une saine odeur de marée se répandait dans l'air. Nell ensuite recouvrit les matelas de beaux draps de grosse toile qu'elle tapota longuement du plat de la main pour en effacer les plis, de manière à rendre le lit doux comme une couette de Hollande. Et vers minuit, quand Madame Puzel replia son tricot, posa ses lunettes sur la table et croisa ses bras en regardant le feu, puis elle se mit à préparer les langes, renfonça d'un coup de poing les oreillers, regarda l'heure à la grosse montre d'argent qu'elle portait sous sa jaquette, et enfin elle bâilla 6 fois de suite, et s'endormit d'un œil, en tenant l'autre ouvert. Mais Rieggé tordait à présent ses mains et criait « Mame Puzel, Mame Puzel !»« Mame Puzel ne peut rien pour vous, Rieggé !» répondait la grosse femme. « Il faut attendre !» Au-dedans, la bouilloire sifflait sur le feu. Au-dehors, l'eau du fleuve clapotait contre le bateau. Des voix se mouraient au loin sur la rive, et l'on entendait des portes se fermer. « Il est minuit, » disait Tobias, « ce sont les gens qui sortent de l'estaminet. »« Ah, Dolf, mon cher Dolf !» s'écriait chaque fois Rieggé, « pourquoi ne revient-il pas ?» Et pour la calmer, Nell, de son côté, disait « Je vois les lampes qui s'éteignent une à une dans les bateaux et dans les maisons. Dolf sûrement va rentrer. » Mais Dolf ne rentrait pas. 2 heures après minuit, Les douleurs de Riekje devinrent si grandes qu'elle fut forcée de se coucher sur le coffre. Madame Puzel rapprocha alors sa chaise et Maman Nel prit son chapelet pour dire les prières. Et il se passa encore 2 heures. « Dolf, Dolf !» criait sans cesse Riekje. « Où reste-t-il si longtemps quand sa Riekje va mourir ?» Et Tobias montait de temps à autre l'échelle pour voir si Dolf ne revenait pas. Le petit hublot du Guldenwisch reflétait sur l'eau noire la rougeur de ses vitres, et il n'y avait plus d'autres fenêtres éclairées dans la ville. Au loin, le carillon d'une église sonnait les quarts dans l'air de la nuit, et comme une volée d'oiseaux échappés d'une cage, Tobias écoutait les notes de la musique qui lui parlait de celui qui allait venir. Lentement, les lampes se rallumèrent, l'une après l'autre dans les maisons, des lumières tremblèrent le long de l'eau, pareilles à des étoiles. Puis le matin vert et froid coula dans les rues. Alors, un petit enfant se mit à crier dans le bateau, et ses cris semblèrent à ceux qui les entendaient doux comme le bêlement d'un agnelet dans sa crèche. « Riekje ! Riekje ! » Une voix lointaine appelle Riekje, qui bondit sur le pont et se précipite dans la petite chambre. C'est Dolf, le bon garçon. Riekje, qui sommeille, ouvre les yeux et voit son cher homme à genoux près du lit. Tobias jette son bonnet en l'air et Nel agace, en riant, la bouche du nouveau-né que Madame Puzel emmaillote sur ses genoux. Et quand l'enfanson est bien enveloppé dans ses langes, Madame Puzel le met dans les bras de Dolf, qui l'embrasse à petite fois avec précaution. Riekje appelle Dolf, lui prend la tête dans ses mains, puis elle sourit et s'endort jusqu'au matin. Dolf pose son front à côté d'elle sur l'oreiller, et comme leurs cœurs, leurs haleines demeurent confondues pendant leur sommeil.